Le propriétaire du restaurant Midas de Saint-Félicien, M. Danny Potvin, vous invite à venir déguster le nouveau sundae au coulis de Cambrise, fait en collaboration avec le Verger du Paradis. Chez nous, c'est important d'encourager les produits locaux. De plus, venez savourer la slush au Cambrise qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas, 1084, route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. M. Danny Potvin et toute l'équipe du restaurant Midas vous invite à participer en grand nombre à la Coupe du Québec de vélo de montagne et vous invite à voter massivement pour appuyer la ville de Saint-Félicien dans le concours Craft Hockeyville. On va parler du concours Craft Hockeyville. C'est des gens qui c'est un concours qui est vraiment intéressant et qui nous passionne davantage cette année parce que Saint-Félicien se ramasse en finale et ça va être dévoilé dimanche. On va parler avec le porte-parole ou le relationniste de Craft Hockeyville, de la compagnie Craft, Stéphane Mercier, pour nous parler un peu des règlements. Salut Stéphane. Oui, bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Stéphane, si on parlait un peu du concours de Craft Hockeyville, est-ce que c'est, après deux, c'est quoi, c'est la 13e année, c'est la 12e année? Robert Wall avait été le premier vainqueur. Est-ce que c'est encore aussi populaire? Oui, oui, effectivement, de chaque année, d'année en année. C'est la 14e année. 14e année déjà? Oui, pour Craft Hockeyville. Robert Vaughan ont gagné en 2008. On était les troisièmes gagnants. Mais okay, d'année en année, on reçoit des milliers et des milliers de candidatures. Fait que, non, c'est le fun de voir la ville de Saint-Félicien tomber dans les quatre finalistes, dans le fond, pour gagner après ça le Grand Prix de Craft Hockeyville, qui est un match encore avec hors concours. Des joueurs de la LNH. C'est quoi les règlements? Écoute, bon, les règlements, on les connaît un peu. Chaque municipalité doit émettre, doit avoir un projet qui a un lien avec un aréna. Mais c'est quoi la suite des choses? Oui, la suite des choses, c'est une bonne question, Danny. C'est vraiment de voir, c'est le Craft Hockeyville, dans le fond, ça a toujours été, on est à la recherche de la ville canadienne qui est la plus passionnée de hockey. Okay. Et c'est en fait qui va rallier, c'est quoi l'esprit, la passion de la communauté à travers du hockey. Et c'est sûr que les points de ralliement sont importants, mais il y a quand même des critères assez spécifiques. Ça doit représenter l'esprit, la passion pour le hockey, la collectivité. Ça, c'est une partie qui vaut 40%. Il y a l'importance de l'aréna aussi au sein de la collectivité. C'est quoi l'importance de l'aréna de Saint-Félicien? Et par la suite, c'est quoi, pourquoi les raisons, la ville en question postule pour faire partie de Craft Hockeyville. C'est quoi les budgets et c'est où que ça va être dépensé aussi? Donc, c'est 40 % en réalité. 40 % c'est vraiment la raison principale, c'est ça? Non, c'est 40 % si je regarde en détail, mettons, représentant l'esprit de la passion pour le hockey, c'est 40 % Okay. Par la suite, l'importance de l'aréna, c'est un autre 40 % Et il y a aussi les raisons pour lesquelles la collectivité devrait être le prochain Craft Hockeyville. Ça, c'est un autre 20%. Mais le vote là-dedans, il est quoi le vote là-dedans? C'est ça qui est important. Demain, je sais que les gens de Saint-Félicien ont mandaté quasiment. Tu devrais voir ça à Saint-Félicien. Je suis allé cette semaine, il y a des affiches partout. J'imagine que c'est la même affaire à Twight Valley. J'ai fait des entrevues à Twight Valley, à Penn, à Saskatchewan. J'imagine que c'est la même affaire. Mais le vote là-dedans représente quoi? C'est les critères que je vous ai mentionnés, c'est seulement pour être en nomination. Fait okay. Là, les gens de Saint-Félicien, la ville a déjà sorti, fait qu'elle fait partie des quatre finalistes. Fait à ça, là, qu'est-ce qui reste à déterminer, c'est le scrutin en ligne. Okay. C'est dans le fond, c'est comment le nombre de personnes ou le nombre de votes qui va être allié à la ville de Saint-Félicien pour gagner. Fait que ça commence demain matin. C'est demain matin à compter de 9h et jusque samedi soir, le 15 jusqu'à 18h. OK. Puis les votes, là, c'est illimité. C'est comme, vous pouvez voter le nombre de fois que vous voulez. Chaque personne peut voter le nombre de fois. C'est sûr qu'on encourage, c'est sûr que cette année, avec le COVID, c'est des situations différentes. C'est Hockeyville, normalement, c'est au mois de mars. Hein? Ouais. Fait que les gens, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de collectivités qui se font à travers les écoles, à travers les jeunes. Fait que là, c'est de voir un peu avec quoi le cri de ralliement de Saint-Félicien et comment ils vont aller chercher la collectivité, comment ils vont aller chercher les médias sociaux, comment ils vont aller rendre ça encore plus grand. C'est un cri de ralliement, c'est la seule ville au Québec qui est en nomination. Fait que c'est intéressant de voir ça après ça, mais c'est vraiment le nombre de fois que les gens vont aller voter. Je sais que c'est un concours privé, je sais que c'est un concours d'une compagnie privée, mais il n'y a pas moyen de savoir le nombre de votes à la fin? Non, ça, je pense pas. Faudrait que je regarde avec la personne qui est vraiment en charge. Mais, OK. Non, je pense que c'est dévoilé, c'est vraiment, c'est privé, c'est en collaboration avec la NHL, NHLPA, mais je veux dire, c'est comme... ça, c'est des compagnies, puis tout est legit, et c'est comme... c'est tout est scruté à la loupe aussi, là, pour voir que tout est fait, puis tout est respecté. Là. OK. Donc, c'est le même règlement qu'il y a année après année. Donc, la passion, et ainsi de suite. Donc, Saint-Félicien, il y avait combien de villes en tout et partout cette année? Je sais que Saint-Félicien fait partie dans le Final Four, mais il y a combien eu de villes? J'ai pas le nombre exact, mais je veux dire, c'est des milliers et des milliers à chaque année qu'on a. C'est une des grosses promotions. Puis c'est pour ça que d'année après année, on revient avec ce concours-là. Puis c'est pour ça qu'on fait voir la passion. On regarde juste un concours qui dure, ça fait 14 ans. Fait que c'est le fun de voir ça. C'est parce qu'il y a de l'engouement. Puis les gens embarquent. Puis on regarde juste aussi les installations. On regarde les arénas, peu importe où qu'on va, soit au Québec ou en Ontario, à travers le Canada, des fois, c'est un peu déduit. Hein? Mm-hmm. Fait que quand on peut aider, quand CAP 1, c'est ainsi que l'Association des joueurs et NHL, on peut aider pour redonner à la communauté, c'est ça qui est merveilleux. Tu m'as parlé du pourcentage, mais ainsi de suite, mais ça fait un bout de temps que de mémoire qu'il n'y a pas une ville du Québec qui est en finale. Est-ce que ça, la position géographique rentre en ligne de compte, même si c'est pas dans le pourcentage? Non, je te dirais non. Pendant 3 ans de fil, tu pourrais avoir une ville de Québec, du Québec remportée, il n'y aurait aucun problème? Il n'y aurait aucun problème. C'est vraiment, on y va. Okay. Puis après ça, tu sais, comme tu as dit, tu peux tomber dans les quatre. Puis après ça, c'est le nombre de votes. Hein. C'est le nombre de votes, c'est les gens qui décident pour quelle ville tu veux y aller. Je regarde juste il y a des petites villes là-dedans, une à Terre-Neuve. Ah ouais. Tu vois un gars qui est tout petit au Labrador, fait qu'il y a une petite communauté là, qui se sont ralliés, puis ils ont formé un comité, puis après ça, ils sont venus, ils ont eu une bonne histoire, puis ils ont dit pourquoi qu'on défendrait, on amènerait Kraft Hockeyville là-bas. Fait que c'est ouvert à tous. OK. Dis-moi, C'est sûr que Robert Valls, c'était la seule qui a gagné au Québec. Il y a eu d'autres nominations au Québec, d'année en année. C'est Stephen Mines ont été là, il y en a d'autres aussi l'année passée. Mais c'était la seule ville où c'était remporté. OK, je me rappelle de Tedford Mines. Il était vraiment fâché parce que c'était l'année après, puis on se demandait quasiment si le concours n'était pas arrangé. C'est sûr que le fait qu'on ne sait pas le nombre de votes, le pourcentage de votes, c'est ça qui est embêtant, qui laisse place à l'interprétation. Là, Robert Val, le fait que Robert Val est à côté de Saint-Félicien, ça nuit pas à Saint-Félicien, ça? C'est la grande question que je me pose avec ça. C'est la ville voisine. Est-ce que ça peut avoir un impact? Je vais te dire bien franchement, Danny, je pense que c'est l'effet contraire. Parce que gens, ils ont vu, je pense, c'est quoi l'impact qu'il peut avoir pour le lac Saint-Jean, pour Robert Val, avoir une game de hockey, avoir un peu toute la communauté qui se rallie à tout ça. Fait que je pense que c'est plus l'effet contraire. Puis je pense que c'est plus les gens de Robert Val vont aider les gens de Saint-Félicien. Je pense qu'ils vont s'entraider pour essayer de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner? Parce que c'est sûr que la réalité est différente quand on a parlé du COVID, mais là, c'est plus virtuel. Fait que j'imagine que les gens de Robert Val, c'est sûr qu'on parle, c'était en 2008, mais il y avait une stratégie qui a été mise en place aussi pour remporter le Grand Prix. Fait que j'imagine que les organisateurs du comité sur Saint-Félicien, ils sont en pourparler avec les gens de Robert Val. J'espère aussi qu'ils sont en pourparler avec les autres maires, le maire de Dolbeau, même au Saguenay, même partout, pour que le monde en parle. Le premier ministre Legault a fait un message sur vidéo ce matin. Donc, j'ai vu ça je viens de voir ça, là. Invitant les gens de Saint-Félicien, invitant les gens de la province de Québec à appuyer Saint-Félicien. Donc, c'est quand même pas rien, là. Donc, c'est excellent. C'est excellent. Dernière question. Le premier ministre Legault et le docteur Arruda, on est correct. Ouais. Dernière question, Stéphane. En tant que COVID, là, je me rappelle, Robert Val, ça avait été incroyable. Là. Il y avait eu une festivité incroyable autour de Robert Val. Il avait fait très, très beau également. Là, c'est la COVID. Il risque de ne pas y avoir d'assistance au match. Ça continue de même. Est-ce que là-dessus, qu'est-ce que ça va ressembler, là? Est-ce que vous êtes positionné là-dessus? Si, mettons, Saint-Félicien gagne, est-ce qu'il va y avoir un rassemblement? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir du monde dans le gradin? C'est quoi, là? Pour ça, si tu parles pour le match en ouais, tant c'est que, ça. C'est, ça n'a pas été encore définitif et déterminé. Tout se fait conjointement avec la Ligue nationale et l'Association ouais. des joueurs de hockey. C'est sûr que le match n'aura pas lieu comme hors concours en 2020. Fait qu'on en regarde plus une participation pour en 2021. Fait que ça, c'est étroitement en collaboration avec les joueurs de la Ligue nationale, avec la Ligue nationale et l'Association des joueurs. OK, donc parce qu'on parle que la saison pourrait repartir en 2020, décembre 2020. Tu me confirmes que ce serait probablement plus à l'autre année, si, peu importe que tu oui. as. Exactement. OK. Ben, on va souhaiter la meilleure des chances, évidemment, c'est demain. Ça commence à quelle heure? Est-ce que c'est minuit? Est-ce qu'à partir de minuit, les gens peuvent voter? C'est comment ça marche, là? C'est demain 9h que ça commence. Ça ouvre, OK? Demain 9h jusqu'à samedi soir à 6h, à 18h. Et le résultat est à Sportsnet. Dimanche soir, vers quelle heure à peu près? Le résultat est le samedi soir. Dans la game, la même soirée, c'est avec, ça va être la game, je pense, c'est le Lightning contre le Columbus. À quelle heure, autour, tu sais-tu l'heure à peu près? C'est normalement, c'est l'entraque, dans le coin, après la première période, ils font ça. OK, entre le Lightning et Columbus. Ouais. OK. Ben, Stéphane, on va se croiser les bras pour ça. Ça va être aussi à CBC, puis il n'y a pas juste Sportsnet, c'est à CBC aussi. Fait que Radio-Canada, vous allez l'avoir. OK. Stéphane, on va se croiser les doigts pour que Saint-Félicien l'emporte. Je pense que ce serait vraiment. On est dû pour ça. Et ce serait une belle. Écoute, on l'a pas eu facile, point que le Québec, le Canada au complet, l'a pas eu facile là, avec la COVID. Donc, ce serait. Si nous autres, on gagnerait bien avoir un match de au Centre Marianne-Saint-Gelais. Ça serait excellent, ça serait de toute beauté voir ça. Stéphane, bonne chance à tous. Ouais. Allez voter, c'est illimité. Fait sur que, le site internet, hein? Oui, sur le site, c'est un peu, je l'avais ici. C'est Kraft Hockeyville. OK. Je suis allé voir en matin. Il reste exactement 22h14 avant que les votes rouvrent. Fait que c'est le Kraft Hockeyville. Okay. Hockeyville.ca. Bon, ben merci. Okay. On s'en reparle beaucoup. On s'en reparle très, très bientôt. Et bonne chance, évidemment, à Saint-Félicien. Stéphane Chartier, le responsable et le porte-parole de la compagnie Kraft.